consume, c'est la coutume. Ils vendent du méfume, une substance blanche ou brune. Ceux qui la consomment, elle consume. L'argent leur fait perdre le somme. Ils ont besoin de somme pour vivre, alors ensemble ont-ils vraiment le choix? Choisis ton camp. Et moi, j'ai déjà choisi, je plaide pour la rue, mais c'est avec ce port de choisi que je me ferai des biftons, fistons, semant la zizanie. Ma plume mettra l'écume à la bouche des MC. Et si l'un t'excite, incite, n'insiste pas. Je n'ai pas de merci MC, détruire, je le ferai avec joie. C'est ainsi ici, et tu ne pourras rien y changer. Le déranger arrive, oui ta carrière est en grand danger. Le putain de tes cars me rend gueudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. En rond dans un monde qui ne tombe pas rond. Si t'as pas de rond de bifton, fiston, ça change les saisons. Attiré vers le fond, visant le plafond. Mes refrains morts d'un hameçon. Les chérubins des bites de mauvais garçons. Ils perdent la raison norme, mais ils gagnent du pognon. Sans cesse en noir, ils commettent de mauvaises actions. La maille pour seul fétiche, ma biche. Alors ils trichent et ils s'en fichent. Coûte que coûte, quoi que cela leur coûte, ils veulent être riches. À force de tourner, ils finissent par mal tourner. Tu le sais, le blé peut retourner la tête comme un 25G. J'ai besoin d'oseille, pas de patience, je suis pressé. Pour gagner ma pitance, il faut que je me mette à magouiller. Mais j'ai trop de scrupules pour devenir une crapule. Le cœur trop bon pour être un mauvais garçon. Mais le quartier dans lequel je vis m'attire vers le fond. Plus le temps passe et moi je résiste à la pression. Le putain de cigare me rend gudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. Le putain de cigare me rend gudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. Dépassé, j'avoue que dans le passé, parfois dépassé. D'autre côté, j'ai voulu passer de déboire en déboire. Marre de broyer du noir, le bon gaillard. Crainte de voir devenir un mauvais lascar. Je suis fauché, j'en ai marre, je veux que l'argent rentre dans mes poches. Je suis prêt à tout, à vendre le caillou. J'ai plus le moral ni le moral. Car dans mon existence, tout va mal. Je deviens bestial, brutal, prêt à tout, même pour un Pascal. Mon quartier grouille de bandits, même si c'est con, des cons, les épis. La plupart skippy, fuis les képi pour pas sur képi. Et puis, comme eux, pour l'oseille, je suis devenu hargneux, dangereux. Car seul l'oseille peut exaucer tous mes vœux. Marre d'être la farce du dindon. Ils pètent les ponts, tu le sais, perdent des boulons. Pour eux, tous les moyens sont bons et donc de toutes les façons. Faut te faire une raison, ils ont pour seul horizon de faire le mal pour des biens, ont-ils tort ou raison? Ainsi font les habitants des bas-fonds. Occasion fait la ronde, d'avant je demande pardon. J'ai le constat avec effroi, comme j'ai perdu la foi. Ma foi, cela est dû à toutes les fois où tout paraît foi. Mais cette fois, avec le M13, je croise les doigts et ferai tout son garde pour toucher marre à l'orgard. Crouse déploie pour sa quête, emploie tous les moyens. Repère tes moyens, je te dépouille et je te laisse rien. Le putain de tigard me rend gueudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. Le putain de tigard me rend gueudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. Attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. Le putain de tigard me rend gueudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. Le putain de tigard me rend gueudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais on ne revient. Le putain de tigard me rend gueudin, attirant les jeunes, les gamins sur le mauvais chemin. Un chemin dont jamais